إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Nous continuons le récit de la bataille de Mu'ta survenue en l'an 8 de l'Hégire et sur laquelle nous avons évoqué la mort et le martyre de trois illustres compagnons qui furent Zayd ibn Haritha, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et enfin Al-Ansari Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha, nous avions évoqué que lorsqu'il a vu ces deux prédécesseurs prendre l'étendard et donc le commandement des armées, puis mourir, il marqua un temps d'hésitation avant de se motiver et de faire ce qu'ils ont fait. Il s'est dit en lui-même, « ya nafsu illa tuqtali tamuti, hadha himamul mauti qad saliti, wa ma tamanniti faqad u'titi. إن تفعلي فعلهما هديتي. Ô âme, si tu n'es pas tué, tu mourras. Telle est la fatalité de la mort que tu subiras. Ce à quoi tu aspirais te fut enfin donné. Et si tu fais ce qu'ils ont fait, tu seras bien guidé. Si tu fais ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire si tu fais ce qu'ont fait Zayd ibn Haritha et Ja'far ibn Abi Talib, tu seras bien guidé. Sur ces mots, il prit l'étendard et prit la tête des armées. Un de ses cousins lui apporta un morceau de viande autour d'un os. Il lui dit, mange un petit peu, cela te fortifiera, car tu as certes rencontré aujourd'hui ce que tu as rencontré. Il mangea donc un morceau, et à ce moment-là, le tumulte se fit sentir autour de lui. Il se dit alors à lui-même, tu es encore de ce bas monde. Il jeta le morceau et fonça dans le combat jusqu'à ce qu'il fût tué, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ce fut Thabit ibn al-Akram des Bani al-Ajlan, un badrite, un muhajir, un émigré, qui a participé à toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début. C'est lui qui prit l'étendard, puis il s'adressa aux musulmans et dit, ô musulmans, accordez-vous pour choisir un homme parmi vous. C'est-à-dire un homme qui prendra l'étendard et le commandement des armées. Ils s'entendirent sur Khalid ibn al-Walid al-Makhzoumi. Khalid ibn al-Walid al-Makhzoumi. Lorsque Thabit remit l'étendard à Khalid, radiallahu anhuma, ce dernier lui dit, tu es plus ancien que moi, cet honneur te revient. En effet, Thabit est un émigré, un muhajir. Il a participé à toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment à la fameuse bataille de Badr, alors que la conversion de Khalid ne datait que de 3 mois. Sur cet état de fait, Thabit est plus ancien et a plus de valeur que Khalid ibn al-Walid. Seulement, Thabit connaissait la valeur de Khalid dans le combat. C'était un homme aguerri, un homme expérimenté dans l'art de la guerre. Alors Thabit lui répondit, cet étendard, je ne le donnerai qu'à toi seul et à personne d'autre. Tu es plus expérimenté que moi dans le combat. Nous avions dit que prendre l'étendard revenait à prendre le commandement des armées. De ce fait, après avoir pris l'étendard des mains de Thabit, il devint le chef des armées, radiallahu anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son côté, relatait les faits et dit, Ibn Rawaha a pris l'étendard et a été tué à son tour. Alors que ses yeux coulèrent de larmes. Puis il dit, une des épées d'Allah a pris l'étendard. Il désignait par ceci Khalid ibn al-Walid. Et à partir de ce jour, Khalid ibn al-Walid a été surnommé le sabre d'Allah ou l'épée d'Allah. Khalid combattit avec courage, expérience, adresse et clairvoyance à la tête des troupes, comme pour montrer l'exemple. Il avait passé toute sa vie entre les lances, les boucliers et les épées. Il dit de lui-même, comme ceci est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, sous le numéro 4266, « Le jour de Mu'ta, 9 lames se brisèrent entre mes mains. » Le jour de Mu'ta, 9 lames, c'est-à-dire 9 épées, se brisèrent entre mes mains et une seule lame yéménite résista. L'imam Ibn Hajar, l'Asqalani, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, a dit que cette parole de Khalid ibn al-Walid sous-entend que les pertes furent conséquentes chez les Romains. Khalid, par son expérience et sa maîtrise de la guerre, a cassé l'élan des Romains et par là même leur offensive. Durant le premier jour, Khalid avait réussi à isoler les musulmans des Romains. Au matin du deuxième jour, les musulmans portèrent une offensive comparable à un seul homme. Ils utilisèrent comme style de combat ce qui était fréquemment utilisé chez les Arabes, à savoir « al-karr ou al-fagr », c'est-à-dire porter une offensive et battre en retrait. Porter une offensive et battre en retrait. C'est le fait d'avancer, de frapper et de reculer. Le combat dura de la sorte et les pertes romaines s'accrurent au fil des heures. Puis les armées de Khalid, radiallahu anhu, battirent très loin en retrait, jusqu'à ce que les légions romaines crussent à une stratégie tendant à les emmener dans le désert. Ces derniers donc décidèrent de reculer afin de décider de la marche à suivre. Par ceci, les musulmans purent se mettre à l'abri et discuter sereinement de ce qu'ils allaient entreprendre et décider par la suite. Les Romains, malgré leur nombre conséquent et leur supériorité numérique, furent meurtris et affaiblis jusqu'à ce qu'un homme parmi les musulmans du nom de Qutbah ibn Qatadata des Bani Uthra, à la tête de l'escadron de droite, dise ces vers de poème. طعنت ابن زافلة ابن الإراش برمح مضى فيه ثم انحطم ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم. C'est-à-dire, j'ai frappé le fils de Irash ibn Zafila avec une lance qui le pénétra et se brisa. J'ai frappé son cou d'un coup violent et il s'inclina comme s'inclinent les branches d'un acacia. Ibn Zafila était le chef des Arabes christianisés et vassaux des Romains. Ce fut Qutbah ibn Qatada des Bani Uthra qui le tua et qui l'acheva. Par l'aide d'Allah, puis étant donné l'expérience de Khalid ibn al-Walid, les musulmans purent infliger aux Romains de grandes pertes, alors que l'on dénombre de leur côté seulement 12 tués et martyrs. Puis les musulmans décidèrent de revenir à Médine. Cette bataille fut considérée comme une victoire qui a inspiré le respect et la crainte des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les accueillit dès leur retour par le plus bel accueil. Cette bataille a mis en valeur la patience et la certitude qui étaient celles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux qualités par lesquelles Allah donne la victoire et la suprématie sur terre aux croyants. À cet effet, Allah dit tabaraka wa ta'ala, « وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ » À sourate numéro 32, le verset 24. Allah dit tabaraka wa ta'ala, « Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils patientaient et croyaient avec certitude en nos signes. » La patience et la certitude, deux qualités par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala élève les croyants et leur donne la suprématie sur terre. De même, Allah tabaraka wa ta'ala évoque ce récit dans la sourate al-Baqara. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le verset numéro 249. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, c'est-à-dire cette rivière, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ceux qui étaient convaincus qui auront à rencontrer Allah dirent, combien de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a bien cité ces deux qualités. Ceux qui étaient convaincus de la rencontre d'Allah, et Allah tabaraka wa ta'ala a promis la victoire aux endurants. Et quand ils affrontèrent Jalut, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawm al-kafirin. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance et la patience, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ainsi étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fermes sur la vérité et escomptant les récompenses d'Allah, ils étaient des hommes dans le sens noble du terme. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, min al-mu'minina rijalun sadaku ma'ahadu Allah alayhi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Sourate numéro 33, le verset 23. Et il y a parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, c'est-à-dire qu'ils sont morts, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leurs engagements. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.